Mike Mac. Tant qu'on arrive en escadrille, c'est nous, c'est pas nous. Laissez-moi donc balancer mon style free. Appelle ça T-E-A-M. C'est de l'inédit. Tout droit sorti du sud-ouest. Tu sais qu'on ressurgit.